Tu habilles les serviteurs de lumière, de sainteté et de beauté. Car ce que tu appelles au service, tu l'entoures aussi de dignité. Tu regardes le cœur, mais tu honores aussi l'engagement visible. Revêt-nous de ta sainteté. Porter ton